Alain Ricard. Chaque vendredi, ce sont les 60 sur Radio Antigone. Bonsoir à tous et bienvenue aux 60, comme le nombre de minutes, ou presque, que nous allons passer ensemble, comme chaque vendredi soir en direct, de 19h30 à 20h30, pour revenir sur l'information des jours passés. Merci d'être avec nous, encore 3 nuits à passer avant le déconfinement, et ce soir, dans ce magazine, deux thématiques au cœur de l'actualité de la semaine. Après 20h, nous parlerons de celles et ceux que l'on ne voit pas, les précaires, les sans-abri, les migrants, seuls dans la rue ou au mieux dans un gymnase, sans aucune prise en charge médicale, portrait d'une France confinée dans la détresse, aussi bien mentale que physique, oubliée par l'État. Mais pour ouvrir cette émission, dans quelques instants, nous parlerons des infox dans un français plaqué au sol, des fake news. Vous le savez, le président Trump est coutumier du fait, mais ce n'est pas le seul. Le gouvernement français avait d'ailleurs lancé, la semaine dernière, le président, regroupant des articles de vérification d'informations dans son brocard des rédactions concernées. Et aussitôt retiré, cette plateforme aura tout de même mis en lumière une certaine parole gouvernementale coutumière de la magouille, pour utiliser un langage tout aussi châtié. Tout cela à retrouver juste après notre première parenthèse musicale aux 60. Voici False Right Remain. C'est vendredi soir, merci d'avoir choisi Radio Antigone et les 60 sur ensemble jusqu'à 19h30. Chaque vendredi sur Radio Antigone, ce sont les 60 avec Antoine Ricard. Merci d'écouter les 60, le magazine de reportage de la rédaction de Radio Antigone. Nous sommes le vendredi 8 mai. Notre premier sujet ce soir, c'est évidemment en lien avec la pandémie de la Covid-19. Toutes celles et ceux qui veillent l'info doivent être particulièrement vigilants. En ces temps de crise, les fausses informations, se propagent davantage encore. Des recettes miracles pour guérir, alors Georges du bouc émissaire responsable de la situation. La Covid-19 est venue le sujet principal de la fake news. Quelles sont ces thèmes de prédilection et candidats, ceux qui ont la mission de la débusquer, de la démonter et de l'analyser? Veillez l'info dans ces temps de crise sanitaire. Un grand reportage de François Bernard tout de suite dans les 60 sur Antigone. Pourquoi la crise que nous traversons est-elle un terrain particulièrement favorable à l'infox? Parce qu'elle réunit les quatre pieds sur lesquels repose notre crédulité ou notre besoin d'explication simple. Didier Desormeaux, qui est le co-auteur aux éditions Canopée de « Le complotisme, décrypter et agir », formule la théorie des 4 P, 4 notions qui doivent être prises en compte pour expliquer le succès des théories du complot. Le premier P, c'est le pouvoir. Ça, c'est un peu un invariant des théories du complot. C'est-à-dire que on attribue finalement un pouvoir à une société cachée ou à des logiques qu'on n'arrive pas très bien à décrypter. Le deuxième P, c'est physique. Là, et là, c'est très important puisque ça veut dire que chacun est concerné dans son intégrité physique. C'est-à-dire que là, tout le monde est un peu en danger. Le troisième, c'est sur la planète, c'est global. Et là, on a vraiment un très bon exemple d'un problème mondial. Et puis enfin, il y a la panique. Là, c'est la variable temps. C'est-à-dire qu'il faut aller très vite. D'ailleurs, ça coïncide bien avec une nouvelle technologie, la panique, parce que effectivement, grâce aux outils d'aujourd'hui, on peut aller très très vite développer une théorie du complot qui accompagne finalement cette panique. Sur ces quatre pattes-là, l'infox galope à son aise. Elle est partout, jusqu'au plus haut niveau des gouvernements. Les États-Unis et la Chine ont trouvé avec le Covid-19 un nouveau sujet pour s'accuser mutuellement de mensonges. Écoutez ce qu'en disait Sophie Malibaud dans sa chronique « Les dessous de l'infox » du 20 mars dernier sur RFI. Alors que la contamination était à son paroxysme en Chine dans la région de Wuhan, l'ultra-droite américaine accusait les autorités chinoises d'avoir laissé s'échapper un virus fabriqué en laboratoire à des fins offensives. La réponse des autorités chinoises n'a pas tardé. Pékin accuse maintenant ouvertement les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie. Porte-parole et directeur adjoint du ministère chinois de l'information, Li Jianchao, s'est fendu d'un tweet pour demander aux Américains plus de transparence concernant le patient zéro, suggérant qu'il ait pu s'agir d'un militaire américain venu participer en octobre dernier aux Jeux militaires mondiaux de Wuhan. Et on le sait, toutes ces informations de part et d'autre ne reposent sur aucune preuve, mais elle continue d'être relayée. It came from China. It should have been stopped. It could have been stopped on the Et parmi ceux qui se plaisent à propager ces informations douteuses, le président américain lui-même, qui n'hésite pas à baptiser le Covid-19 de « virus chinois ». Donald Trump reste un pourvoyeur très actif de faits alternatifs. Quelques exemples avec la politologue Marie-Cécile Nave. Ces sujets sont principalement la minimisation du virus, c'est une simple grippe, parler de gravité, c'est un complot des démocrates, ou à contrario sa dramatisation pour accuser l'administration Obama de ne pas avoir anticipé le Covid-19. Ensuite, on a eu Trump qui se vante d'avoir été le premier aux États-Unis et même dans le monde à saisir la gravité de la crise. Et puis ça oscille, cet argument-là, avec la dimension d'imprévisibilité. Donc il a été le premier à saisir la gravité, mais quand même c'était imprévisible. Et on sait aujourd'hui qu'il a été prévenu dès janvier par les services secrets. Il prétend aujourd'hui avoir une totale maîtrise de la pandémie, alors que un certain nombre de faits montrent que c'est pas du tout le cas, notamment sur le plan sanitaire. Et il parle de la volatilité du virus. Au début de la pandémie, il a dit « un jour le virus disparaîtra comme par miracle. À l'été, il disparaîtra parce qu'il craint la chaleur ». Et il revient de temps en temps sur ces arguments-là, voyant précisément qu'il ne maîtrise pas les choses et que la maîtrise est plutôt du côté des gouverneurs. Il ment également sur le nombre et la disponibilité des tests, en jouant sur un teasing, sur des effets d'annonce, par rapport au fait que tout le monde, dit-il, pourrait en disposer rapidement et partout, mais on ne sait jamais vraiment ce que veut dire rapidement et ce que veut dire partout. Il reste toujours dans le flou et parfois il avance des chiffres qui sont faux. Marie-Cécile Nave, auteur de « Trump, la revanche de l'homme blanc » aux éditions textuelles. Oublier l'ingérence russe dans les élections américaines ou le procès en destitution du président Trump, ces sujets à forte teneur en fausses informations semblent être passés dans les oubliettes des médias. It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen. It's fake news. Fake news. Et dans les pays où l'information est sous contrôle, alors que se passe-t-il ? En Syrie, par exemple, désormais absente de l'actualité alors qu'elle est toujours en guerre, quelle forme a pris la propagande gouvernementale en ces temps de crise sanitaire ? L'essayiste belge Marie Pelletier. On peut surtout constater que quelque part le virus a profité à la propagande dans le sens qu'il a permis d'invisibiliser les crimes de guerre que Poutine et Assad continuent à perpétrer évidemment en Syrie. Juste en amont en fait de la crise qu'on est en train de vivre, il y avait une actualité médiatique concernant la Syrie assez chargée parce qu'il y avait toute l'offensive russe à Idlib, donc les bombardements, l'exode des réfugiés, etc. Et évidemment, à partir du moment où le virus a touché nos pays, ça a devenu l'actualité massive et essentielle et la Syrie est passée tout à fait au second plan. Et donc je pense que, évidemment, Damas, ça l'a arrangé en quelque sorte. C'est-à-dire que les projecteurs n'étaient plus braqués sur les crimes de guerre en cours. Et je pense qu'on doit vraiment avoir un point d'attention à ça, non seulement pour la Syrie, mais pour d'autres pays aussi. Il ne faut pas que ce virus permette de masquer des crimes de guerre qui déjà bénéficient d'une indifférence assez massive. Le coronavirus est donc le complice involontaire des dictatures de tous ordres par le simple fait de sa présence permanente dans l'actualité. Il arrange bien le régime syrien dans son rapport à la communauté internationale, mais aussi dans sa gestion de la crise à l'intérieur du pays. Concernant les fausses informations, notamment les fausses informations sur ce virus en Syrie, c'est intéressant de voir qu'au début de la pandémie, Damas a nié en quelque sorte l'existence du virus en Syrie. Bon, c'était tout de suite, on s'est dit que c'était peu probable puisqu'on savait que l'Iran était quand même très fort atteint par le virus. Mais dans un premier temps, sans doute que le régime a eu peur et a fait comme si ce virus n'existait pas. Puis évidemment, dans un second temps, sans doute aussi en s'adaptant à l'actualité internationale, il a plutôt communiqué dans le sens d'une prise en charge, entre guillemets, médicale et sanitaire de la crise. Donc il y a eu des spots à la télévision avec des médecins, etc., qui montraient que la situation était sous contrôle. Évidemment, on peut en douter que la situation est sous contrôle parce que le régime de Damas est en fait très affaibli, évidemment, par la guerre et qu'en plus, il y a toute une partie des Syriens, ceux qui ne vivent pas sous contrôle du régime, qui vivent dans une situation de réfugiés, dans des logements précaires, etc., donc dans des conditions sanitaires qui sont déjà extrêmement difficiles. Et donc, on sait, on a quelques informations, notamment par des Syriens qui vivent ici en Europe, qui donnent des nouvelles de leur famille. On sait qu'en fait, les gens sont massivement confinés aussi, on sait que les gens sont malades. Mais le régime n'en parle pas tellement officiellement, ne brandit pas trop ces informations parce qu'évidemment, je pense qu'il a peur que ça soit perçu comme un signe supplémentaire d'affaiblissement. Marie Pelletier, dont le dernier livre a pour titre « Obsession dans les coulisses du récit complotiste » paru chez Inculte Édition. En ces temps de confinement, les fausses informations émergent de toutes parts. Le sujet dominant, c'est le virus, bien sûr, et les vérificateurs ne manquent pas de travail. Alexandre Capron, de la rédaction des Observateurs de France 24, note trois catégories principales d'infox sur les réseaux en ce moment. La première, c'est concernant les remèdes, les faux remèdes, hein, même dire des personnes qui prétendent avoir toutes sortes de conseils, de remèdes ou de choses qui peuvent protéger du Covid, qui sont des conseils la plupart du temps inefficaces, parfois même dangereux. Deuxième créneau, c'est beaucoup de vidéos suite à ce qui s'est passé en Chine sur un soupçon de deuxième vague qui a été attribué à la communauté africaine. Il y a eu beaucoup de vidéos réelles, celles-ci, qui montraient des comportements discriminants venant de la part de ressortissants chinois contre des membres de la communauté africaine qui se sont par exemple fait expulser de leurs appartements temporairement, certains même de leur chambre d'hôtel. Du coup, il y a eu plein de vidéos montrant des ressortissants africains se venger des Chinois, montrant en fait des représailles ou des vidéos de bagarres entre soi-disant des Africains et des Chinois. Et à la grande majorité de ces vidéos, qui sont souvent des vidéos anciennes, prises dans un autre contexte, qui montrent juste des personnes à la peau noire se battre avec des personnes qui ressemblent en fait à des Asiatiques. C'est juste fait pour jeter de l'huile sur le feu. Le troisième truc, c'est de leur théorie du complot. Des personnes qui essaient de montrer que le Covid, ça n'existe pas, qui se rendent dans les hôpitaux pour filmer les hôpitaux vides, pour prouver qu'en fait, il n'y a personne dans les hôpitaux, sauf qu'en fait, ils ne filment que dans des endroits, s'ils les halls, s'ils les couloirs, effectivement, il n'y a personne, tout simplement parce que les patients atteints du Covid sont dans des unités spéciales qui, elles, sont complètement remplies et surchargées. Théorie du complot, incitation à la haine et bien sûr les bons conseils pour combattre la maladie. Alors pourquoi l'infox et la santé font-ils si bon ménage en ces temps de pandémie? Le journaliste Florian Gouttière l'a expliqué sur RFI. La santé, c'est un terrain propice parce que tout le monde a envie d'aider son prochain, de protéger son prochain. Quand vous partagez une information, vous le faites parce que vous êtes généralement quelqu'un de bien intentionné. Vous avez envie que vos proches ne tombent pas malades. Donc quand une information en matière de santé qui est fausse, intentionnellement ou non, est mise sur le marché, eh ben, elle a de grandes chance d'être diffusée. Et pour ceux qui fabriquent volontairement des fausses informations, donc pour les pourvoyeurs de fake news, ils savent que ça va être un moyen d'engranger du clic. Et lorsque, typiquement, on est en errance thérapeutique, lorsque quelqu'un nous dit une solution simple, avec peu d'effets secondaires existe, ça peut nous attirer. Florian Gouttière, auteur de Santé, Science, doit-on tout gober aux éditions Belin, interrogé par Loïc Bussière. Il y a une dame qui a fait circuler sur WhatsApp, une information qui fait croire que l'eau de robinet est contaminée et que c'est le coronavirus qui a été injecté par des blancs, dit-elle, dans l'eau pour tuer en masse les Togolais. L'infox, on l'entend, n'est pas toujours le fruit de la malveillance. Elle est parfois le produit de l'ignorance, de la naïveté. Elle n'en reste pas moins trompeuse, voire dangereuse quand la santé est en cause. Alors les réseaux sociaux tentent de combattre les fausses informations en cette période de crise. Comment s'organise le plus important d'entre eux pour éliminer l'infox de ses pages? Julien Lebotte est journaliste, spécialiste de Facebook. Facebook a décidé de faire ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire accepter d'afficher en haut de ce qu'on appelle le newsfeed, c'est-à-dire le fil d'actualité, un message avec même une notification qui vous dit, voilà, en gros, les dernières informations que vous pouvez lire et retrouver sur le site de l'OMS, c'est-à-dire de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a cet effort-là qui est redoublé aussi par le fait que se prolonge et continue le combat qui est mené par ce qu'on appelle les partenaires en matière de fact-checking, c'est-à-dire de vérification d'informations. Mais il reste encore énormément de travail quand on voit et quand on mesure la capacité de tout un tas d'acteurs à continuer de faire diffuser beaucoup de fausses informations, que ce soit sur l'origine du coronavirus, que ce soit sur les stratégies et les voies thérapeutiques, que ce soit sur les enjeux géopolitiques sous-jacents, etc., etc. Une partie est, ralentie dans sa capacité de diffusion virale. D'ailleurs, c'est marrant, on est toujours dans ce langage de la contagion et de la viralité quand il s'agit de désinformation, ce qui est un peu une sorte d'ironie du sort puisqu'on parle bien du coronavirus. Malgré cet effort de contrôle, l'infox continue de se propager activement. Le temps de repérer, de vérifier, de démentir et les fausses informations ont tout loisir de circuler. Est-ce qu'elles ne concernent que le coronavirus ? En cette période d'actualité à sujet unique. L'un des phénomènes massifs en termes de volume aujourd'hui, c'est la montée en régime sur Facebook, mais pas que, sur les autres réseaux sociaux aussi, Twitter ou même sur YouTube, de fausses informations sur cette question-là. Ce qui ne veut pas dire que les fausses informations ne concernent que le coronavirus. Mais on a une sorte de superposition, en un certain sens, entre le fait que plus de la moitié de l'humanité est confinée et que un bon tiers de l'humanité est sur Facebook. Mais évidemment, ça n'a pas dissuadé celles et ceux qui ont un agenda politique visant parfois à déstabiliser des individus, des groupes, à continuer d'œuvrer en faveur de leur propre agenda. Donc non, il faut rester hyper vigilant là-dessus. Julien Le Bot, auteur de « Dans la tête » de Mark Zuckerberg aux éditions Actes Sud. Sur YouTube, on passe parfois des heures à faire défiler les vidéos. Par exemple, la dernière fois, j'ai cliqué sur celle-là. Pour prendre la mesure de la masse d'infox qui circule sur les réseaux sociaux, France 24 a créé un dispositif pour faire remonter l'information des quatre coins de la planète. Ce sont les observateurs de France 24, des correspondants dans de nombreux pays qui signalent les vidéos douteuses à la rédaction de la chaîne à Paris. Ces observateurs continuent d'être très actifs, nous dit Alexandre Capron. Une seule règle, pas de partage sans avoir vérifié l'image. Le groupe des observateurs, il est toujours très actif et même, je dirais, encore plus actif que d'habitude. On a énormément de contributeurs qui ont envie de nous raconter comment ça se passe près de chez eux et, évidemment, qui ont renforcé leur vigilance concernant ce qui circule sur les réseaux sociaux et qui sont un peu, pour nous, des lanceurs d'alerte sur ce qui commence à buzzer chez eux, ce qui commence à devenir viral et surtout ce qui est douteux. Et pour nous, ce sont vraiment des personnes qui sont au contact direct de réseaux locaux et qui voient ce qui circule et qui nous le font remonter. Et ça nous permet d'être efficaces pour très rapidement faire des démentis et se rapprocher au plus près de ce qui est en train de buzzer dans leur pays respectif. Donc ça, c'est vraiment un super rapport pour nous. Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Les médias traditionnels, radio et télévision, débusquent tous les jours de fausses informations et les démontent, preuve à l'appui. Dans la presse écrite, l'infox est davantage analysée dans ses conséquences sociales ou politiques. Un quotidien français, par exemple, nous avertit d'un bras de fer entre l'Union européenne et les géants du net, car Bruxelles travaille à une refonte profonde du cadre réglementaire des plateformes. Un journal américain qui s'inquiète qu'il puisse parfois être difficile pour le citoyen ordinaire d'identifier une information comme fausse. Et c'est parfois même bien compliqué pour les citoyens avertis. Bref, l'infox reste une rubrique incontournable dans le monde médiatique de l'ère coronavirus. Et que nous révèlent des expériences similaires dans le passé. Jérôme Grondeux est historien, il étudie l'infox à travers les âges. Est-ce que la prolifération actuelle de fausses informations, de rumeurs, est un sujet d'étonnement pour lui? Alors c'est pas réellement étonnant dans la mesure où un des ressorts de toutes les théories de la conspiration, puisqu'on parle de conspirationnisme avant de parler de complotisme, ce sont justement les catastrophes, les choses qui arrivent, qui touchent les gens dans leur vie et qu'ils ont du mal à expliquer. Et on peut penser, quand on voit toutes ces rumeurs autour du coronavirus, aux rumeurs qu'il y a eu pendant la Grande Peste, au XIVe siècle, l'idée des Juifs empoisonneurs, empoisonnant l'eau des puits, et qui avait abouti à des massacres dans de nombreux endroits de l'Europe. Ce qui est peut-être différent, c'est que on peut mieux comprendre ce type d'explication immédiatement quand on ne connaît pas les mécanismes de la peste. Ce qui est frappant avec le coronavirus, c'est que on a quand même si bien sûr il y a des progrès à faire sur la thérapeutique, on sait comment ça marche, on sait quelque chose qui est identifié, et il y a quand même ce phénomène de rumeur. La connaissance scientifique ne suffit donc pas à apaiser la panique qui peut se répandre en période de crise profonde. Et cela explique en partie notre capacité de croire à des théories sans fondement, à des informations fantaisistes, ou à des mensonges crédibles. Qu'est-ce que cela dit de notre société contemporaine ? Jérôme Grondeux. À mon sens, ça indique deux choses qui sont spécifiques à notre époque, même si la rumeur est quelque chose d'ancien. La première chose, c'est ce que j'appellerais la crise de l'expertise. C'est-à-dire qu'on se méfie du savoir des spécialistes. On se méfie des connaissances que l'on n'a pas pu construire soi-même ou qu'on est hors d'état intellectuellement de vérifier soi-même. Il y a un soupçon là-dessus. On le retrouve par exemple dans une autre idée, les platistes, ceux qui font la théorie de la Terre plate. Une énorme défiance vis-à-vis de tout le savoir accumulé en astronomie, en astrophysique, en géographie, etc. Et puis, il y a aussi la défiance vis-à-vis des autorités. À partir du moment où ce sont sont les autorités qui patronnent les dispositifs de protection pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie. Et à partir du moment où ces autorités disent des choses, il y a une défiance. Donc c'est qu'il y a une vérité cachée, quelque chose d'autre. Et on remarque qu'avant même que des gens élaborent des théories complotistes sur le coronavirus, quand on regarde les sondages, il y a une formidable défiance, l'idée que les autorités ne disent pas la vérité. Jérôme Grondeux, co-auteur de « Le complotisme, décrypter et agir », c'est aux éditions Canopée. La crise sanitaire venant donc s'ajouter à une crise politique, l'Infox est plus que jamais un signe de défiance. Les fausses informations n'en restent pas moins une plaie pour la société. Heureusement, l'accès à une information fiable reste possible dans les démocraties et l'on peut faire la part du vrai et du faux grâce à tous ceux qui combattent l'Infox. Aujourd'hui, on participait à ce reportage en mode confiné et dans l'ordre d'apparition, Didier Desormeaux, Sophie Malibaud, Marie-Cécile Nave, Marie Pelletier, Alexandre Capron, Florent Gouttière, Julien Lebotte et Jérôme Grondeux. À ceux qui n'étaient pas là quand je les ai contactés, veuillez laisser votre message après le bip. Je rappellerai bientôt pour faire le point de la situation, car l'Infox, quelles que soient les circonstances, est une nuisance qui ne semble pas près de disparaître. François Bernard pour ce grand reportage sur Radio Antigone. Radio Antigone. Radio Antigone. Sur Radio Antigone, chaque vendredi, ce sont les 60 avec Antoine Ricard. h 02, vous écoutez Radio Antigone, seconde partie des 60 de votre magazine de grand reportage d'analyse sur l'actualité qui vous concerne et qui nous touche de près ou de loin. Nous avons parlé fake news, nous avons parlé dans quelques instants de la pauvreté en France. Avant de revenir à cette actualité brutale et souvent très inhumaine, malheureusement, une nouvelle page musicale dans votre émission du vendredi soir avec Vide Noir, L'Or du Rhône. Les 60 sur Radio Antigone, bienvenue jusqu'à 20h30. Chaque vendredi sur Radio Antigone, ce sont les 60 avec Antoine Ricard. Les 60, merci de votre fidélité. Les 60 qui s'intéressent ce soir à celles et ceux pour qui la survie est souvent faite d'un morceau de pain, d'une bouteille d'eau, au mieux d'un lit, au pire à la rue comme matelas. Comment se confiner quand on est justement sans abri? Quand la santé publique recommande de s'enfermer pour se protéger, que faire quand on est sans domicile à la rue ou sous une tente? C'est le cas des plus précaires, des migrants aussi. Alors pour ceux qui ont la chance, je veux dire, de prendre en charge, c'est une heureuse parenthèse pour les autres, c'est un plongeon complet dans la misère. Et c'est donc le second grand reportage des 60, signé Romain Lemarquet à Paris et David Bachet à Hendaye, dans le sud de la France, pour les 60. Nous sommes à Malakoff, petite localité de la banlieue parisienne située dans le département des Hauts-de-Seine. Ici, l'association Alteralia, spécialisée dans l'accompagnement et l'insertion par le logement, a été chargée au début du confinement de mettre en place un centre d'hébergement pour des SDF, des sans domicile fixe. Sébastien Dujardin, responsable d'Alteralia à Malakoff. Il y a eu une demande de la préfecture qui a sollicité donc l'association Alteralia et les mairies de Malakoff. Et après, les choses se sont mises, enfin, la direction s'est mise en lien avec la préfecture et la mairie. Ça s'est monté, relativement rapidement. C'est dans ce centre sportif qui accueille habituellement de jeunes judokas et de futurs handballeurs qu'on rencontre Silla, 32 ans, arrivé de Côte d'Ivoire début 2020. Ça me fait 4 mois que je suis en France. Je suis arrivé en janvier. Donc, du coup, il a demandé l'asile. Et puis, bon, j'étais un peu dans la rue. Donc du coup, j'ai appelé le 115 pour qu'ils puissent m'aider plusieurs fois. Ils m'ont amené à l'hôtel, après dans la rue encore. Et puis après, ils m'ont appelé encore, ils m'ont fait venir ici. Donc, je ne sais pas. Du coup, Bon, on est un peu inquiet parce qu'on ne sait pas, après le confinement, où ils vont nous emmener, on ne sait pas où on va partir, on serait. Donc, du coup, c'est un peu ça, notre inquiétude. Fatigué, les traits tirés, Sylla, comme la plupart de la vingtaine d'hommes hébergés dans ce centre, s'inquiète de ce qu'il attend à la fin du confinement. Mais il sourit quand il évoque la qualité de l'accueil et les moyens mis en place. Des dortoirs propres, des douches et des toilettes en bon état et une cuisine, le tout dans un centre sportif spacieux et bordé de verdure. Oui, ça se passe très bien, vraiment ici, dans les bonnes conditions. Et ça va, il n'y a pas de problème. Même constat de la part de Mamoudou, originaire de Guinée-Conakry, arrivé en France quelques jours avant les débuts du confinement. On nous a pris en charge à 100% parce qu'on est bien nourri, bien logé, et il y a au moins de problèmes encore. La responsable qui nous gère ici, elle fournit tous ses efforts pour nous guider quand même. Dormir au chaud, être nourri, pouvoir se doucher, Mamoudou s'estime chanceux d'avoir trouvé refuge dans ce centre. Ils sont une vingtaine d'hommes essentiellement d'Afrique, d'Asie et d'Europe de l'Est, et pour les encadrer, une très jeune femme, Mélodie, l'animatrice. À 23 ans, elle découvre sa vocation à l'occasion de ce confinement. J'ai appris un peu sur le tas, mais honnêtement, ça se passe super bien, les résidents sont très bien, donc ils me fascinent aussi beaucoup la vie. Et c'est une belle expérience, et je trouve que ça change la vision des choses. Après, voilà, il y a toujours des hauts, des bas, c'est normal, on est tous humains. Leur situation n'est pas très facile, mais j'essaye au mieux de leur changer les idées pour qu'ils soient heureux ici et qu'ils soient contents. Pour Mamoudou, cette prise en charge est synonyme de parenthèse dans un quotidien de galère. Il a bien conscience que sans le 115 et l'association Alteralia, la situation aurait été bien plus compliquée. Franchement, là, je n'avais aucune idée. En fait, je sais quand même, j'allais toujours rester dans la rue. Donc, seul peut-être le bon Dieu et les bonnes personnes pourront venir en aide. Sauf qu'avec le déconfinement qui approche, les sans-abri craignent de devoir rapidement revenir à leur vie d'avant. Un quotidien que connaît bien Alvin, mauricien, à la rue depuis bientôt 3 ans et très lucide sur sa condition. Il s'interroge sur la suite, car déconfinement ne rime pas avec fin de l'épidémie. Si je suis contaminé, c'est sûr que je vais contaminer les autres personnes si je vais dans les trains, parce que le soir on dort dans les métros ou dans les trains, parce que lorsque vous dormez sur la rue, vous touchez un peu de quoi, vous n'avez pas la sanitizer pour essuyer la main, pour laver toutes les choses qui sont pas propres. Et à cause de moi, c'est sûr et certain, je vais contaminer 100 ou 500 personnes, c'est sûr et certain. La crainte de ce qui les attend après la fin du confinement revient dans la bouche de toutes les personnes hébergées dans ce centre. Mais cette peur n'efface pas les joies partagées dans ce lieu d'accueil. Ici, c'est magnifique, c'est génial. On vit en harmonie, il y a toutes les nationalités, toutes les personnes, il y a des personnes un petit peu qui sortent d'une crise, des problèmes et tout ça, chacun son histoire. Puis on a de la chance d'avoir une responsable magnifique, géniale et super, super professionnel avec nous. Lui, c'est Ayoub, franco-marocain de 32 ans. Il s'est retrouvé à la rue début mars. Avant, il vivait à Rouen, mais il a perdu son logement. Dans l'attente que sa situation ne s'arrange, ce musulman pratiquant vit avec philosophie ce confinement en pleine période de Ramadan. Ça se passe super bien. Après, c'est vrai que cette année, ça fait bizarre parce que comme on est en confinement, les mosquées sont fermées. On n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on... Parce que les habitudes changent, on fait avec, mais ça va, il y a tout ce qu'il faut, il y a à manger. On doit être se contenter de tout ce qu'on a ici. L'essentiel, on a un toit pour dormir. Ici, la moitié des résidents respectent le jeûne du Ramadan et les autres pensionnaires ont préféré décaler le repas du soir de quelques heures pour que tous puissent le partager. C'est au moment de la rupture du jeûne que nous retrouvons Ayoub, dans la grande pièce peu éclairée qui fait office de réfectoire. Quelques tables, des chaises, du matériel de cuisine et des plats bien garnis. Un moment de convivialité. On se comprend parce que lui il est marocain, je suis marocain. Mon meilleur pote c'est Georges, il s'entend super bien. La différence de la culture, la langue. On s'entend super bien. Il y a Abdullah aussi, Abdullah c'est un Soudanais, il parle un petit peu arabe. On arrive à se comprendre. Il est gentil. Et avec ceux qui ne sont pas de confession musulmane, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de différence. On est tous des frères et sœurs ici. C'est pas parce qu'il n'est pas musulman, on ne leur parle pas, on ne partage pas. On partage tout ici. C'est important. Ce moment de partage est une parenthèse dans leur galère quotidienne. La prise en charge, un moment de répit pour ces habitués du macadam. Et Alvin, qui commence à avoir l'expérience de la rue, ne se fait pas d'illusions sur ce qu'il attend après. On va sortir ici, on ne connaît pas ce qu'on va faire. On va galérer encore. Si pour l'instant les autorités françaises assurent vouloir prolonger des dispositifs tels que celui mis en place à Malakoff au-delà du 11 mai, elles ne précisent pas pour combien de temps. Alvin, Mamoudou, Sila et Ayoub craignent donc une chose, se retrouver à la rue alors que le Covid-19 circule toujours. À Hendaye, dans le sud-ouest de la France, juste à la frontière avec l'Espagne, un centre d'accueil a été créé de toutes pièces pour accueillir des sans-abri durant la période de confinement, leur offrir un refuge, un lieu de repos et de protection afin de moins les exposer au virus. Un lieu de confinement, comme pour tous les autres, tout simplement. Envoyé spécial, David Bachet. Je m'appelle Cynthia et je suis à la rue depuis quelques années déjà. Normalement, je dors à droite, à gauche, dans les distributeurs automatiques en Espagne, dans les trains et à Paris. Et voilà, je suis venue ici pour éviter une contamination éventuelle. Cynthia fait partie des 13 sans-abri hébergés pour toute la durée du confinement dans le centre d'accueil installé à Hendaye. Un centre monté du jour au lendemain par les bénévoles de l'association Choco, petit coin sympathique en langue basque, par l'équipe locale de la Croix-Rouge et par la municipalité d'Hendaye. Quand ça a commencé le confinement, vous étiez déjà dans le coin ? J'étais à Paris et je suis descendue ici. Je connais un petit peu le coin et je préfère être ici que sur Paris, dans les gares où il y a plus de monde, donc plus de possibilités de contamination. Vous dites que d'habitude vous êtes dans les gares, dans les machines ou dans les trains. Ici, pourquoi vous vous êtes dit que c'était une bonne idée de venir dans ce centre pendant la période de confinement ? Ben justement pour éviter de faire la manche, d'être contaminé avec des pièces éventuellement et pouvoir manger correctement, être mieux que dans la rue. On est accueillis, les gens s'occupent de nous, on nous donne de quoi nous laver, de quoi manger et donc on est moins obligé de dépendre des gens à l'extérieur. Il y en a peu, super peu en ce moment pour avoir une vie relativement saine quoi et être plus en sécurité. Du point de vue sanitaire, avec ce coronavirus qui circule, ici vous vous sentez plus protégé que si vous étiez à la rue ? Tout à fait. En fait, on se balade moins, on est plus dans une maison, entre guillemets, donc on retrouve un peu la vie normale. Ça fait du bien, oui, ça fait du bien. Lorsque le confinement a commencé le 17 mars dernier, le centre d'hébergement d'Hendaye n'existait pas. Il a donc fallu le créer de toutes pièces. Une dizaine de jours a été nécessaire pour trouver un lieu permettant de respecter les normes de distanciation, des financements, des bénévoles et pour mettre en place des règles de protection face au coronavirus. Des règles plus ou moins strictes. Jean Larraga est coprésident de l'association Choco. Chaque jour, entre 8h du matin et 20h, c'est lui le responsable du centre d'accueil. C'était une difficulté, nous avions les masques en quantité vraiment limite. Pas de protection, pas de... On a démarré dans la difficulté, mais ça s'est très très vite après amélioré et maintenant nous savons ce qu'il faut. Nous avons les masques fournis par la direction départementale de la cohésion sociale. Nous avons les gels et puis nous avons le nettoyage des mains qui est recommandé toutes les demi-heures, voilà, régulièrement. Est-ce que c'est compliqué d'imposer le respect des gestes barrières, par exemple, ou de suivre les recommandations quand on est un groupe aussi important qui vit ensemble, qui est confiné ensemble? C'est très très difficile. Cette petite blessure, le coronavirus, ça passe vraiment vraiment au-dessus de la tête. On a essayé de leur imposer des masques, mais qui ne portent pas. Donc nous en portons, eux ne les portent pas, et on fait avec, on fait comme ça. Depuis le début du confinement, aucun cas de Covid-19 ne s'est déclaré dans le centre, ni chez les accueillis, ni chez les bénévoles. En plus des 13 sans-abri hébergés jour et nuit, une vingtaine de personnes passent quotidiennement prendre un repas ou une douche. Ils peuvent également profiter du baby-foot ou du jeu de fléchettes installé dans l'espace commun. Ils sont très forts aux échecs. Là, ils font des tournois. Des... Vous, vous êtes plus fléchettes ou plus échecs ? Les deux. De toute façon, comme on ne peut pas faire trop de jeux collectifs... Jean-Marie, lui, fait partie des personnes qui vivent et dorment sur place. D'un point de vue bêtement matériel, ça me permet de manger tous les jours. Ouais. Vu que là, c'est zéro niveau financier, je touche absolument à rien. D'habitude, quel revenu vous avez ? Comme je travaille dans le bâtiment, c'est un peu de blague à droite à gauche, mais c'est tout. Et là, depuis le début du confinement ? Rien. Rien. Du coup, quand vous avez appris l'existence de Centre, ça a été un soulagement ? C'est... Au début, je voulais pas venir, et puis après, ouais, j'ai réfléchi. Je me suis dit, avec cette limite en plus de 1 km de sans domicile... Pour les sorties ? Ouais. Pourquoi vous vouliez pas venir au début ? Parce que vivre en société, c'est pas toujours évident, surtout avec des gens qu'on connaît pas en plus. Vous teniez à votre liberté ? Oui, mais là, personne n'en a, donc... Est-ce que aussi ça vous sécurise du point de vue risque sanitaire par rapport au coronavirus qui circule ? Franchement, je suis pas craintif par rapport à ça. Ici, déjà, on nous prend la température 2 fois par jour. Même dans les bénévoles, il y a pas mal d'infirmières. Oui, c'est vrai que c'est peut-être rassurant pour certains. Ouais. Outre les équipes de l'association Choco et de la Croix-Rouge, la réserve civique qui s'est constituée dans la ville à l'occasion du confinement s'est avérée inestimable. Plusieurs dizaines de bénévoles se relaient dans le centre, proposent des activités en tout genre. Des infirmières organisent même des petites consultations quotidiennes. Bonjour tout le monde, ils sont pas arrivés ceux de l'après-midi ? Pour le jeune David, l'aide de ces bénévoles aura été providentielle. Les yeux fuyants sous ses fines mèches blondes, il accepte de se raconter un peu. J'ai 20 ans, depuis l'âge de mes 14 ans je suis à la rue, puis cette structure ça m'aide à faire mes papiers, essayer de trouver un avenir plus tard. Depuis 14 ans, vous êtes où ? Vous faites comment ? Je fais la manche et je vais de droite à gauche. Enfin, voilà, je fais ma vie. Et là, pendant le confinement ? Là, j'ai commencé à faire mes papiers déjà avec l'assistante sociale. Après, j'ai peut-être trouvé un boulot pour poser du parquet flottant dans le bâtiment. Comment vous avez trouvé ça ? Avec les bénévoles d'ici. C'est un bénévole qui m'a proposé. Je lui ai donné mon CV et j'attends pour aller travailler. Du coup, le confinement aura eu du bon pour vous ? Franchement, oui, ça m'a fait du bien. Non, ça va mieux. De faire déjà des démarches pour ma carte vitale, ma carte d'identité, enfin, non, ça fait du bien. La fin du confinement, à partir du 11 mai prochain, vous pensez faire quoi ? Franchement, je sais pas. Le déconfinement, ici, ne sera pas synonyme de libération, mais plutôt d'incertitude. Que se passera-t-il après le 11 mai ? Avant la création du centre d'hébergement, spécialement pour la période de confinement, l'association Choco et la Croix-Rouge organisaient des accueils de jour, quelques heures chaque matin. C'était déjà beaucoup, mais à la lumière de cette nouvelle expérience, Jean Larraga, coprésident de l'association Choco, veut voir plus grand. Mon avis, c'est que c'est ce qu'il faut. C'est ce fonctionnement-là qui est important. Il faut le pérenniser. Tout à fait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est la date de l'arrêt. C'est sûr que la mairie ne pourra pas prendre, je suppose, seule en charge ce genre de fonctionnement. Et donc pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Si c'est le 11 mai, premier jour du déconfinement, si ça dure encore quelques semaines. Oui, non, on ne sait pas. On aimerait beaucoup que l'après soit un petit peu comme maintenant. En attendant d'être fixé sur le sort du centre d'hébergement, les sans-abri qui ont enfin trouvé un lieu d'accueil continuent de jouer aux fléchettes, de dessiner, de composer et de chanter. Donc ça, vous faites ça sur votre téléphone ? Oui, tout à fait, c'est FL Studio. Comme Cynthia. Prends soin de toi, ne rentre pas trop tard. Bravo. Merci. Ça a du bon le confinement ? Ouais, bah oui, au moins. Allez, Mimi, montre ce que tu peux faire. Merci. À quelques pas du centre d'accueil, un autre rendez-vous de la précarité confinée s'organise. Une distribution alimentaire, assurée par l'antenne locale de la Croix-Rouge. Salut, Davy. Produits frais, viande, légumes, les bénéficiaires reçoivent de quoi tenir près d'une semaine. José est espagnol, mais il vit en France avec ses deux enfants. Il est cuisinier, mais avec le confinement, tous les restaurants sont fermés. En ce moment, je suis à la maison. Je n'ai pas de travail. Tant que tout ça ne sera pas terminé avec ce virus, grâce à Dieu, je touche le chômage. C'est grâce à ça que je tiens, au chômage, à l'aide que je reçois. Mais vous avez quand même besoin de venir à ces distributions. Oui, je paye beaucoup pour le loyer, pour la lumière. Je dois rembourser la voiture. Et puis, il y a les enfants. J'en ai deux, tout petits. Du coup, l'argent me manque. Donc, je dois venir ici. Vous veniez déjà avant le confinement ? un tel moment. Non, avant non, mais maintenant je viens. Ça m'aide beaucoup, surtout pour les enfants, pour acheter des couches, des choses comme ça. Je viens avant tout pour mes enfants. Depuis le début du confinement, de plus en plus de personnes viennent aux distributions. D'après Maryse Dubois, bénévole à la Croix-Rouge d'Andaï, leur nombre a augmenté de près de 50%. Avec la pandémie, on a reçu évidemment une augmentation des demandes extrêmement importante. De l'ordre de... Pour vous donner une idée, on prépare chaque mercredi 73 colis. Ce qui fait environ 185 personnes nourries, des familles essentiellement, parfois des femmes seules. Donc 185 personnes, oui. En ce moment. Oui, avant c'était combien? Autour de 130. Des gens qui y arrivaient tant bien que mal avant, là la période de confinement ça leur a été entre guillemets fatale? Oui, tout à fait, on peut le résumer comme ça aussi brutalement, oui. Je crois qu'effectivement là les gens se sont retrouvés sans ressources dans tous les sens du terme, ne savent plus savoir où s'adresser. Sur le parking, Pierre attend que les bénévoles remplissent son coffre de provisions. Retraité, lui aussi vient pour la première fois. Et il ne se l'explique toujours pas. Alors, je comprends pas du tout. Là. Vous voyez, retraité, je pensais avoir une fin de vie un peu tranquille. Et puis tout compte fait, maintenant vous êtes dans la pauvreté le plus possible. Allez, quémander, moi j'appelle ça quémander, quoi. À bouffer, tout ça. Qu'est-ce qui a changé avec le confinement? Ben, tout. Moi, je suis bloqué, j'ai un mobil-home et je peux pas y être dedans. C'est ma propriété première dans un camping, donc je vois pas pourquoi. Le camping a fermé? Oui, donc coupé l'électricité et l'eau. Donc. Et du coup, vous vivez où en ce moment? Dans un appartement, mais j'ai un loyer qui est le double de ce que je payais maintenant. Je peux pas payer, puis c'est tout. C'est pour ça que... Et du coup, c'est la première fois que vous venez à ce genre de distribution? Oui, je me suis jamais vu dans une situation comme ça. Après la crise sanitaire, je pense que ça va être une crise économique. Et là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont plonger. Enfin bon, je suis revu une semaine sur une semaine, c'est tout. Merci à vous, au revoir. Oui. Qu'il soit sans abri, hébergé dans un centre au lendemain incertain, ou simple retraité accablé par la crise économique et sociale suscitée par la crise sanitaire, il se prépare au pire. À Andaï, à Paris ou ailleurs, le déconfinement ne signifiera pas la fin de leurs problèmes. Ceux qui étaient déjà les plus fragiles avant le coronavirus n'ont pas eu besoin d'être contaminés pour voir leur état empirer. Radio Antigone, les 60, c'est donc la fin de ce second numéro. Mais l'émission n'est pas finie, je vous rassure, le magazine de reportage de Radio Antigone, merci à vous de l'avoir suivi. Ce week-end, n'oubliez pas vos radio-journaux pour suivre l'actualité en largeur et en profondeur sur notre antenne. Fin des confidences ne signe pas pour autant la fin de vos émissions qui reviendront dès lundi, bien évidemment, toujours en direct. Car vous le savez bien, le son a un sens, surtout sur notre antenne. Les 60, quant à eux, reviendront dès vendredi prochain, évidemment, dès 19h30 sur Radio Antigone, à retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, évidemment sur notre magnifique site internet tour.radioantigone.com. Quant à ma part, je vous souhaite un excellent week-end, faites attention à vous, surtout la fidélité de votre confiance chaque soir plus intense. Bonsoir, à lundi. Chaque vendredi sur Radio Antigone, ce sont les 60 avec Antoine Ricard.